En Corée du Sud, les membres des formations civiles et sociales, dont le Comité spécial pour la détention des plutocrates de l'Action nationale extraordinaire pour la chute du pouvoir de Park Geun-hye, l'Action nationale contre le SAD et la Solidarité 16 avril, ont tenu le 29 mars à Séoul un meeting contre la disposition de SAD pour l'éclaircissement du dessous de la submersion du paquebot Sewol en faveur de la liquidation des abus du gouvernement et de l'édification d'une société nouvelle. Apprend-on du journal internet sud-coréen Tongil News. On y a donné lecture de la déclaration sur la situation. Selon la déclaration, le rassemblement de la journée contre le SAD et pour l'éclaircissement du dessous de la catastrophe de Sewol et la suppression des abus se tiendra le 1er avril sur la place de Gwanghwamun. Le peuple montrera ainsi sa volonté de supprimer les forces corrompues de Park Geun-hye, Fang Yuan en premier lieu, et de mettre sur pied une société nouvelle du peuple.